Clément. Tenaille. Hey Jack. Comment ça va? Bah écoute. Je m'étais dit. Pas mal. Ok. Oui, parce que on a raté les politesses? Bah oui, il me semble. Alors attends, comment on fait? Alors je recommence. Ouais. Tenaille. Ouais Jack. Comment ça va? Bah ça va pas mal et toi? Eh ben merci, c'est gentil. Bah ça fait plaisir. Eh ben moi aussi ça va. On est là pour une nouvelle rétrochronique. En effet. 17e. La 17e, c'est bien ça. Tu suis, c'est cool. Ouais, j'essaye. Je sais pas à quel moment je vais me perdre, mais je vais forcément me perdre. Qu'est-ce que t'en penses si on... Bah je sais pas, enfin, on lance le générique. Si on fait un cling-clong à la tisane. Oh bon, allez go. Allez. Cling-clong. Générique. Générique. Je sens un truc cool. On va parler d'un groupe que j'ai découvert lors de la préparation de l'édition 2022. D'accord. Du Hellfest, ouais. Qui venait donc pour la première fois, mm-hmm. Dont je suis totalement directement tombé amoureux, que j'ai adoré. Non. J'étais comme un fou. Bon, et j'avais. Explique. Bah ouais, je sais bien. Mais c'est parfois les goûts. Ouais, c'est sûr. Et j'avais très envie de les voir, donc j'étais très content qu'ils se produisent. Et il se trouve que l'année dernière, ils ont sorti un second album. Mm-hmm. Qui a été l'album de mon année, en fait. Ça a été mon album de l'année. Il a accompagné mon année et je n'ai fait que de l'écouter. J'ai adoré d'accord. Cet album. Donc... Tu l'écoutes encore en boucle? Ouais. Là, ouais, je l'ai. Là... Attention, hein, trop écouter des fois après. Oh, ça me fait pas ça, moi. Oh, moi non plus. Enfin, ça dépend. Oui, enfin. Bon, avec non, mais groupes. En fait, tu veux. Alors, j'ai plutôt pour te faire une comparaison avant de dire de qui on va parler, même s'il y en a qui l'ont pas deviné. Ouais. Tu sais, il y a des albums, des fois. Enfin, il y a des groupes, t'aimes bien. T'as des albums et tu dis, il y a quand même une ou deux chansons, tu les passes et tout. Ouais. Je n'en passe jamais quand il se concerne ce groupe. Ouais. Mais j'écoute j'avoue. Tout de A à Z. Et je veux bien sûr parler de Slow Moza. Voilà. Il y a du favoritisme quand même. Pourquoi? L'extrait a duré plus longtemps que les autres. Non, je crois pas. Donc on parle bien sûr d'un groupe norvégien. Ouais, de Desert Rock qui s'est formé en 2016. En ce qui est assez sympa avec Slow Moza, c'est qu'à la base, c'était donc le Benjamin, le chanteur-guitariste, mm-hmm. qui était avec un autre guitariste. Et chez eux, ils s'ennuyaient. Donc pendant un été, donc l'été 2016, ils se sont amusés à trouver des riffs un peu à la d'accord. manière de Queen of the Stone Age, qui était leur groupe favori de cœur. Okay. Et donc ils s'entraînent, ils font des riffs un peu comme ça, ils les gardent de côté. Il y en a dit, putain, ça sonne bien et tout. On devrait. Oui, alors vous n'avez pas les images, mais il y a un chat qui. Il se glisse sous la tasse de Tenaille. Donc ils jouent des riffs, ils en trouvent et puis ils disent ça sonne pas mal, on pourrait faire un groupe. Ils recrutent deux autres musiciens. Là ils commencent à un peu plus ou moins améliorer leurs démos, à force d'en faire des titres. Ouais. Et à part Benjamin, les trois se barrent. Ah merde. Donc ils reforment, il va rechercher. Enfin, en gros, il avait un pote du guitariste avec qui il s'était entraîné, qu'il connaissait déjà, qu'il l'a recruté. Après, ouais. il a recruté un batteur. Et Marie, la bassiste, en fait, a été quelqu'un d'assez connu en Norvège. C'était une musicienne qui est dans des groupes depuis hyper longtemps. Donc, elle est déjà. D'accord, elle avait une certaine popularité déjà. Elle a une popularité, une carrière, elle était très connue. Okay. Elle est encore déjà dans d'autres groupes, je crois, en même temps. Ok. Et donc, ils ont commencé comme ça. Et en 2017, ils sont entrés en studio pour enregistrer quelques singles. Ouais. Et en fait, ils sont arrivés comme ça à bien préparer leur début de carrière. Mais au début, ils étaient vraiment en mode à la cool, en fait. On joue des chansons pour se faire plaisir. Aucune idée d'envie de devenir un groupe tourner quoi que ce soit. Faire des riffs à plusieurs, quoi. Riffs à plusieurs et des chansons à plusieurs en mode à la cool. Et au moment où ils ont enregistré leur premier album, en fait, c'était arrivé au moment du confinement. Donc, en fait, ils n'ont pas pu tourner derrière en fait. L'album est sorti à ce moment-là, il a quand même très bien marché, il a accompagné pas mal de monde. Mmh. Les gens ont beaucoup mis en avant la qualité du groupe et tout ça, il s'est fait rapidement connaître. Et eux, ils ont pas tourné. Donc ça s'est retrouvé en attente. Un petit peu bloqué leur évolution quoi. Toi même pour te dire, là je t'ai pas tout à fait donné tous les trucs dans le bon ordre, c'est-à-dire que de ce que j'ai lu à un moment donné, par exemple quand la première mouture du groupe de alors ça concorde pas à ce que je vais dire, ce que donc là il y a un truc qui va pas. Ou alors s'il devait faire la première mouture donc c'était pas par rapport au Covid, mais il devait faire un concert dans un bar mais pour internet. Ouais. Et le batteur, le futur batteur, lui il est dû passer devant le bar, il les a vus jouer sans public. Ah ok, ah, oui, d'accord, d'accord, ça devait être enregistré, balancé voilà. sur internet. Et lui il est passé devant le bar en disant la première fois que j'ai vu Slow Moza, c'était ça en fait, c'est je les vois jouer sans public. Donc le Covid se passe, il commence à tourner, et là il tourne, ça s'arrête pas de tourner jusqu'à se retrouver donc au Hellfest en 2022, parce que au début ça a été un petit peu dur, tu sais, 2020 quasiment rien, 2020 ça recommence. Ils ont dit au début on a joué devant beaucoup de gens assis, ce qui fait que quand les gens sont redevenus debout, bah ça a été une nouvelle façon de rejouer les groupes. D'accord. Et donc ils ont fait que des trucs de tête d'affiche, ils ont été de plus en plus gros, ils ont tourné, 2023 ils ont tourné, enregistré l'album, et 2024 sortie du deuxième album, qui en fait, ce qui est marrant, c'est que ça va faire écho un peu avec qui ils sont, parce que ils s'appellent Slow Moza, ce qui en fait c'est une référence à leur nom, où il se trouve que slow mo pour dire lent, d'accord, parce que et pour dire c'est le temps qu'ils mettent pour faire les choses, ils sont longs dans tout ce qu'ils font. Ah ok, d'accord. Et le za de la fin, c'était le premier guitariste, celui qui est parti, qui voulait un groupe un peu à la Sepultura, Pantera, il voulait mettre un a à la fin. Donc c'est le mélange des deux qu'a créé Slow Moza. Okay. Ouais, donc ça c'était c'est fun. Et après j'ai lu pas mal d'interviews, les mecs ils sont super cool. Ça s'entend dans leur musique, donc ça serait dommage d'entendre l'inverse, mais ça peut arriver. Hein. Bah ouais, maintenant ils font les premières parties où ils partent en tournée avec King Buffalo, avec Elder, et là prochainement ils reviennent en France à la fin de l'année au mois d'octobre, où ils passent à Paris, ils sont avec Cadavar, donc ils font que de grimper en popularité. Cool. Et donc pourquoi c'est marrant l'album qui s'appelle du Tundra Rock, parce qu'en fait eux ils sont considérés comme faisant du stoner ou du desert rock, un peu à l'image de Queen of the Stone Age, mais en fait comme ils sont en Norvège et qu'il n'y a pas vraiment... Bah justement, j'allais te demander, le désert norvégien, il est comment ? Il n'y en a pas. Il est blanc. Il n'y en a pas en Norvège, mais ils ont grandi près d'une zone, près des zones de la toundra. Donc, du coup, ils ont utilisé leur style de Tundra Rock. Ah, et c'est aussi le nom du second album, tu vois. Donc, tout est mélangé. Et un peu à l'image de Messa, que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais Messa, par exemple, il y a, je crois, la copine du guitariste qui fait les visuels clips, tout ça. Mm-hmm. C'est l'ex-copine de Benjamin, le chanteur, qui fait aussi les clips et tout ça. Enfin, qui fait les visuels, pardon, des albums et ça. D'accord. Okay, ils ont un peu tous la même manière de procéder. C'est-à-dire que, c'est encore un pote à eux dans Messa qui faisait les clips. Dans Slow Moza, c'est la même chose, c'est aussi un pote à eux qui font ça. D'accord. Et eux aussi ont également un... Ils sont bien entourés, quoi. Ça aide. C'est cool. En fait, non, ils ont tous un peu la même configuration, c'est-à-dire qu'eux aussi ont un job à côté. Ah oui, ils vivent pas encore complètement. Après, peut-être que ça commence, mais ils disent que voilà, en fait, ils s'éclatent, ils passent des bons moments, ils font la fête, mais pas trop. Ils sont assez raisonnables. Après, peut-être que leur popularité explose encore plus aussi depuis qu'ils sortent un peu de Norvège, parce que j'avais cru lire une interview une fois où ils ont l'air de dire qu'ils avaient pas encore vraiment une grosse communauté stoner en Norvège. Il commence à y avoir des groupes, mais c'est pas encore c'est vraiment populaire. Pas plus forcément que d'autres, mais là aujourd'hui il commence à l'être en tant que groupe. Ce qui se passe aussi, c'est que en Norvège, d'après ce que j'ai compris, en fait l'État aide financièrement les groupes. T'as des dossiers à remplir et tu peux être aidé financièrement, ce qui peut aider les groupes. Et du coup, par la suite, en fait, tu peux aussi te retrouver comme eux. Ils sont pas forcément considérés comme un groupe de stoner, mais ils sont plus considérés comme un peu de la pop. Donc ils se retrouvent mélangés à d'autres groupe. Okay, là-bas, ils n'ont pas le même rapport, c'est peut-être pas aussi cloisonné, mais en tout cas, ils peuvent se retrouver sur des festivals avec un peu, comme on a des festivals tout style, et donc ils sont plus mis en avant aussi dans ces festivals-là. Donc ils n'ont pas l'image forcément d'un groupe stoner, mais ils sont plus populaires, de ce côté-là. Et donc, deux albums, une deuxième venue au Hellfest, ils étaient venus la première fois jouer à l'ouverture du deuxième week-end, j'y avais été avec Anthony. Je lui avais fait un peu écouter sur la route, il avait dit oh putain, mais il répète toujours la même chose le gars. J'ai dit non mais arrête, c'est trop bien, ferme là. Voilà, et on arrive là-bas, je l'emmène, je lui dis tu viens, on va regarder ça. Et il a fait putain, c'est trop bien. Et maintenant il le dit comme étant oui, c'est un des rares groupes que j'écoute hors Hellfest. Ah bon, ouais, il a vraiment adoré. Commence à être de moins en moins rare les groupes qui écoutent hors Hellfest. Non mais c'est un des groupes qui a bien aimé. Et donc moi j'ai adoré ce deuxième album comme j'avais adoré le premier album. Et c'est marrant. Il n'y avait pas eu un EP, non? Non, je sais plus. Alors un EP avec d'autres chansons, je suis pas sûr. Hein. Ah non, ou c'est peut-être juste des singles, peut-être. Peut-être, tu as peut-être raison de ce côté-là. Je sais plus. Et en tout cas, ce qui est marrant, c'est que j'ai beaucoup aimé ce deuxième album, mais pas pour les mêmes forcément raisons que le premier. Je le trouvais un peu différent, alors qu'il y a énormément de riffs qu'ils avaient déjà depuis le tout début de Slow Moza, en fait. Ils avaient pas mal de riffs de côté qu'ils ont après transformés en chansons, mais même de l'époque des tout débuts, il y a des riffs qui sont sur le deuxième album. Ouais, donc, ah oui, d'accord. Okay. Donc et en fait, c'est souvent ce qui se passe avec les groupes, tu sais, ils ont beaucoup de démos ou de trucs qu'ils ont à tester, ils en transforment en album, ils en ont encore qui gardent pour le deuxième album et des fois même pour plusieurs années après, c'est ce que tu entends des fois dans les bios des groupes. Et c'est pour ça souvent le troisième album, que je le dis souvent moi, que c'est un passage bien particulier parce que c'est ce qui va soit finir d'asseoir le groupe, soit créer une variation. En fait, le troisième en général, il est différent. Ouais. Mais je parle. Oui, Slomoza, toi, qu'est-ce que t'en as pensé à part que c'est génial? Ah bah, au risque de décevoir mon bon Jack, c'était vraiment génial. Bah oui. Non, vraiment trop cool. Vraiment. Ouais, non, c'est ça. C'est parce que je crois que c'était un EP, mais Battling Girls, t'as non, trois. Non, ouais, mais Battling Girls, c'est un des derniers singles sortis. Ouais. C'est l'extrait qu'on a fait passer tout à l'heure. Mortel aussi. Hein. Oh là là là là, tout est bien. Ouais. Non, franchement, Slomoza, bah, c'est trop cool, quoi. Ah ouais. Après, tu vois, j'essayais de me dire, mais putain, ça marche trop bien. Mais ce qui est marrant, c'est que quand t'écoutes bien, c'est assez simpliste en termes de mais alors riff, tout ça j'y connais moins en gratte, mais même les rythmiques, batterie, même les structures, enfin tout est simple en apparence, simple, hein, je dis bien. Efficace, va droit mais au voilà, but, efficace, ça va droit au but et le mélange, il est super cool. Je suis d'accord. Vraiment le côté cool. Non, Slomoza, franchement, c'est vrai, hein, je t'ai entendu dire une fois, dis donc, quand on aime pas, on a plein de trucs à dire, quand c'est facile, quand t'aimes bien, t'as moins de trucs à dire, mais ouais, non, t'aimes, j'aime trop, c'est trop bien. Bah non mais c'est pas vraiment surprenant parce qu'en plus je trouve qu'ils dégagent une sympathie même à travers leur musique, ils ont l'air cool et en concert c'était trop bien. Dans la même interview que j'avais lu, ils parlaient justement de leur venue au Hellfest. Ouais. C'était la première fois où ils avaient une scène aussi grande, où ils jouaient aussi séparés les uns des autres, ils avaient l'air d'être beaucoup plus concentrés sur leur truc machin. Bon, après ça reste un super souvenir et tout ça, mais du coup j'imagine que ça pourrait être encore mieux de les revoir parce que du coup ils auront peut-être un peu plus Ils ont pris un expé là ils ont bien ils ont fait que de grandir, que de se retrouver, peut-être qu'ils seront plus à l'aise, ils pourront peut-être communiquer un peu plus quelque chose avec le public, parce que moi je les ai pas vus, mais j'imagine que vu qu'ils étaient concentrés, peut-être il y avait moins de ce que je me souviens un peu d'un truc d'émotion où tu les voyais, ils étaient un peu, tu sais, touchés, donc pas gênés, mais en mode waouh, un truc cool, quoi. Moi, de mémoire, c'est ce que je sentais. Est-ce que je me suis raconté l'histoire, mais de mémoire je me souviens de ça, de ce côté là où ils sont en train de kiffer, de se rendre compte, tu sais, ils regardaient la bassiste, ils se regardaient, on est putain, c'est fou, on est en train de jouer un truc de fou là, carrément, tu vois. D'accord. Mais c'était vraiment exceptionnel, quoi. Ça fait vraiment plaisir, tu sais, quand t'écoutes un groupe, tu dis putain, j'aime trop, j'ai envie de voir ce que ça donne en live, et qu'en live c'est vraiment à la hauteur de ce que t'attends, quoi. Ça c'était, et si en plus tu vois qu'ils sont trop contents d'être là, qu'ils kiffent le moment et du coup, je pense que les revoir une deuxième fois ou sur un terrain conquis, parce que là je sais pas à quel moment exact ils vont jouer sur l'affiche, mais ça va être blindé, parce que c'est vraiment, toute l'année là j'ai entendu que des trucs positifs sur l'album, sur le groupe, vraiment, donc je pense que ça va être personne va vouloir les rater, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais après c'est internet, attention, t'es pas à l'abri d'une surprise, qu'il y a un peu moins de monde que prévu, et ce qui peut être bien aussi, hein, parce que je te rappelle Brutus l'année dernière, on est pas encore à ce niveau là je pense, mais tu vois ce que je veux dire. Oui mais justement moi je pense que ça va être blindé. En plus, par contre, ça sera du coup pas la même vallée, une vallée ouverte. Et ouais. Mais je pense que ça peut fonctionner. Non, mais de toute façon tous ceux qui vont y être, ils vont passer un des meilleurs moments de la journée. Mais j'ai tellement kiffé que là, j'ai déjà hésité la dernière fois, mais là, je réhésite à aller les revoir à Paris s'ils passent avec Cadavar, mois d'octobre. Ah ouais. Franchement, on se faire un petit voyage à Paris. Écoute, on peut réessayer. D'ailleurs, il faut qu'on parle de ça après. Alors, pas de voyage à Paris, mais d'un autre voyage. Ah ouais? Ça fait partie des trucs. Bah non, mais de toute manière, tu m'as dit que t'avais des trucs à dire. Des trucs à dire, ouais. voilà, donc, franchement, en fait, c'est ce qui est pas marrant là, c'est que c'est une évidence que c'est bien. Après, juste pour rajouter une petite couche de positif, c'est ok, c'est simple, tout pourrait paraître simple en apparence, mais ça a son style et il y a une certaine originalité quand même. Ça sonne pas comme tous les stoners tu pourrais entendre. Ils ont leur patte. En fait, tu vois qu'ils ont fait leur gamme, tu vois qu'ils ont travaillé avec les bonnes influences, mais ils y ont rajouté une petite touche ou deux. Ils ont leur truc, ouais. Ils prennent le temps de bien faire les choses et c'est bien choisi, quoi. Peut-être, je sais pas en termes de temps si c'est, mais en tout cas, non, c'est trop bien. C'est vraiment chouette. Vraiment, donc, un peu un immanquable quelque part. Ah oui, putain d'immanquable, carrément. Bon, bon bah ça c'est bien, ah, c'est ouais. Un plaisir. Moi aussi bien sûr, c'est un de mes nouveaux groupes de la vie que j'adore. Ouais, c'est sûr. Eh ben écoute Tonaï, merci beaucoup. Ah oh bah là c'était un grand plaisir. Ah bah. Et puis d'habitude, non, pareil. On va peut-être se retrouver prochainement dans une autre. Ouais. Bah demain, hein. Bah écoute, pourquoi pas demain. Pas tout à l'heure. Non bah non, ça serait bizarre. Bah oui, ça serait bizarre. Pas en mettre deux par jour. Ouais. Non, c'est parce que tu t'es vendu tout à l'heure. Ah bon? Ouais, machin, on va parler de ça tout à l'heure, je sais pas quoi. Tout à l'heure. T'as dit ouais, j'ai oublié de dire tout à l'heure sur ça machin. C'était hier. C'est grave, toi. Ouais, je suis con. Bah oui, c'était hier en plus. Tu planes, toi, me dis. Bah ouais, je plane. C'est la tisane. Bon, allez, salut, Tadaï. Allez, tchou. Pas du tout, salut. Refais un salut propre, Tadaï. Salut. C'était assez propre? Non. Try to...